à espera de um lugar difícil de encontrar, no canudo vive a esperança. Atrás das luzes em vertigem, ao medo da noite recente, que tens de conquistar. Thank you. olhos me olham sem pudor. Se estamos sós, tudo fica melhor. Porque eu não sei, algo em ti me faz sentir tão bem. Essa rainha, hoje eu sou o rei. Fim de semana, larga tudo e vai. Só dizia, eu sei que só. Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. desliza, desliza. E faz um suar a camisa. Desliza, desliza, desliza. Não. Me pega de jeito na pista. Este. Desliza, desliza, desliza. Só, só. E faz um suar a camisa. Desliza, desliza, desliza. Sobe, sobe. Me pega de jeito. Felt his heart begin to break. Please don't let him talk you back the way he's done before. He's had 100 chances. He don't deserve you anymore. Let his eyes do the crying. Let his feet walk the floor. Let his heart do the breaking like he's let yours break before. Let his lips do the sighing. Let his heartache start to soar. Let his arms do the aching. He don't deserve you anymore. Brought you shame. It was never his intention to let you share his name. The lonely hours you've waited now won't happen anymore. For it's his turn to feel the hurt. He don't deserve you anymore. Let his eyes do the crying. Walk the floor. Let his heart do the breaking like he's let yours break before. Let his lips do the sighing. Let his heartache start to soar. Let his arms do the aching. He don't deserve you anymore. Jump back in bed and I cover my head, but that only blocks out the light. Cause my trouble's still there, you know it hangs in the air. I know things are coming my way. There's things I must do, but I hide in my room. I just hope that it all goes away. Sunlight in your life once again.

écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Laissez-nous chanter. princess, and she won't say her name or even write her address. Don't wanna lose her in the Champs-Élysées. Only one thing I can say, Champagne. Mademoiselle has got to be like no one before, and I just wanna love her and then love her some more. Wish that I'd learned my lessons better. Fiesta latina, hola, hola, hola, canta conmigo fiesta, que vamos a bailar. Esa

arc-en-ciel. Bonjour à tous, chers auditeurs. Nicolas vous donne rendez-vous tous les dimanches de 13h30 à 16h dans l'émission Accordéon Musette sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Et 32 minutes, et bien bienvenue à tous et à vous toutes. Voici donc le retour, comme tous les dimanches, avec l'accordéon. Voilà aussi, j'espère que vous avez passé tout simplement une bonne semaine, ici très bon week-end, tout simplement. Et puis aussi, j'espère, avec l'émission Téléphone Sonne, tout simplement, que vous avez passé un très bon moment avec l'émission avec Lionel et Jérôme. Et bien sûr que vous allez les retrouver la semaine prochaine. Eh bien, sans plus tarder, je vais vous laisser bien sûr avec l'accordéon. Et puis on oublie tout ça, nos soucis, le temps qu'il fait, tout ça. On oublie tout et puis on reste bien sûr avec la musique. Et oui, bien sûr, la musique est toujours là, tout simplement. Sans plus tarder, je vous laisse avec deux morceaux de valse et puis juste après la tarentelle. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. Thank you. bien, je vous laisse avec la polka et puis juste après la marche. Et puis juste après le tango. Il y a le poissonnier, le boucher, la laitière, le petit Lulu, Marie la boulangère, là c'est Fernand avec ses pommes de terre, et l'Amélie qui propose ses habits. Ici l'on vend des mouchoirs, des chaussettes, même pour le 14 juillet, des maillots de bain pour faire des calipettes. Rien ne doit se perdre, tout est à consommer. Vive les marchés de France, qu'on soit du Nord, du Sud ou de Provence. On ne peut plus, non jamais s'en passer. Dans toute la France, oui, vive les marchés. Dans toute la France, oui, vive les marchés. Il y a du miel, des fraises et des framboises, des

c'est donc là, ça me sort. Enquanto o fôlego tá florando, tô gemendo, vou dançando e vou dançando, deixa o corpo ereção. Cada vez mais a nossa boba e aumentando, e nós vamos conversando, e pra que coisa melhor? Todo tempo quando eu quero pra mim é pouco, eu dançar com meu vizinho numa sala de rebô. Todo tempo quando eu quero pra mim é pouco, eu dançar com meu vizinho numa sala de rebô. Só fico triste quando o dia amanhece, meu Deus, se eu puder viver sem separação. Quando ele vem, ele igual a lã, chove chuva, nosso amor pede mais uma pra curtir essa paixão. Todo tempo quando eu quero pra mim é pouco, eu dançar com meu vizinho numa sala de rebô. Todo tempo quando eu quero pra mim é pouco, eu dançar com meu vizinho numa sala de rebô. Todo tempo quando eu quero pra mim é pouco, eu dançar com meu vizinho numa sala de rebô. Todo tempo quando eu quero pra mim é pouco, eu dançar com meu vizinho numa sala de rebô. Enquanto o pole tá pulando, tá gemendo, vou dançando e vou dançando, meu sofá pra ele só. Cada vez mais a nossa mão vai aumentando, e nós vamos conversando, e já que coisa melhor. Todo tempo quando eu quero pra mim é pouco, eu dançar com meu vizinho numa sala de rebô. Todo tempo quando eu quero pra mim é pouco, eu dançar com meu vizinho numa sala de rebô. Já fico triste quando o dia amanhece, meu Deus, se eu puder eu viver sem separação. Pra nós viver ainda igual a deixa de chuva, nossa mão pede mais uma pra curtir essa paixão. Todo tempo quando eu quero pra mim é pouco, eu dançar com meu vizinho numa sala de rebô. Todo tempo quando eu quero pra mim é pouco, eu dançar com meu vizinho numa sala de rebô. Tome forró, isso é bom demais. Arc-en-ciel. puis juste après le Fox. sur Arc-en-Ciel. Voici donc le Fox et puis juste après le Sirtaki. Thank you. avec la guinguette. Voici donc la valse. Et puis juste après la samba. tous, chers auditeurs. Nicolas vous donne rendez-vous tous les dimanches de 13h30 à 16h dans l'émission Accordéon Musette sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. Le bon matin, le bon Pierre, il se lève. Le bon matin, le bon Pierre, il se lève. Met son chapeau sous son bras, chez la yéyette, il s'en va. Met son chapeau sous son bras, chez la yéyette, il s'en va. Va voir le beau-père et va voir la belle-mère. Va voir le beau-père et va voir la belle-mère. Bonjour à vous et donnez, la yéyette est-elle rentrée? Bonjour à vous et donnez, la yéyette est-elle rentrée? Mais la yéyette pas rentrée de la messe. Mais la yéyette pas rentrée de la messe. De la grand-messe à Saint-Lys, elle n'est pas prête de revenir. De la grand-messe à Saint-Lys, elle n'est pas prête de revenir. Mais par qui donc on pourrait la prévenir? Mais par qui donc on pourrait la prévenir? Par son frère le petit Léon qui lui fera la commission. Par son frère le petit Léon qui lui fera la commission. Mais en entrant dans l'église de Saint-Lys. Mais en entrant dans l'église de Saint-Lys, se met de l'eau bénite sur le front, la yéyette, allons partons. Se met de l'eau bénite sur le front, la yéyette, allons partons. Mais qui qu'y a donc à la maison qui presse? Mais qui qu'y a donc à la maison qui presse? Ton amant vient d'arriver, son cœur y veut t'y parler. Ton amant vient d'arriver, son cœur y veut t'y parler. Que l'on apporte à manger sur la table. Que l'on apporte à manger sur la table. Du pain, du vin, du jambon pour régaler ce garçon. Du pain, du vin, du jambon pour régaler ce garçon. Non, je ne suis pas venu ici pour boire. Non, je ne suis pas venu ici pour boire. Ni pour boire, ni pour manger, de mariage veux-tu causer. Ni pour boire, ni pour manger, de mariage veux-tu causer. Mais la yéyette, elle est encore trop jeune. Mais la yéyette, elle est encore trop jeune. Faites l'amour en attendant que la yéyette, elle est... Voilà donc, et bien, après cela, on écoutera tout simplement du polka. Et puis, après, on écoutera du fox. En faire l'amour, je ne peux. voici donc le Fox, et puis juste après, certain qui. Tu es parti. Pigeon voyageur. c'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Voici donc le compris et suivi de rock. Aujourd'hui, le compris est en fête. Chacun s'élance, on s'amuse et on chante à tue-tête. Ah, quelle ambiance! Aujourd'hui, le compris est en fête. Et les danseuses sont prêtes. Les drapeaux volent. Ce soir, on est américain. Aujourd'hui, le compris est en fête. Ah, quel programme! Allons-y, on n'est pas en retraite. Mesdames, aujourd'hui le country est en fête. Chacun va faire des conquêtes. Les filles s'envolent. On est en forme mais on est bien. Dansez et puis tapez dans les mains. Bougez, on est tous un peu cousins. Allez, c'est tout de suite et pas demain. On imagine dans la plaine tous les cow-boys et les indiens. Et on frappe du talon. On voit le guiluc et les daltons. C'est ça, et restez bien dans le ton. On garde ensemble la cadence. Vive le folklore américain. Nicolas sur Arc-en-Ciel. Voilà donc, après le rock, on fait un petit tour du côté de l'Espagne. Et puis juste après, le cha-cha. España, por favor, España. Voici donc le Bayon, et puis juste après, Java. Il ne restait jamais en rade grâce à ces deux coups de sifflet. Ça voulait dire les poulets et l'on se cavalait. Quand on entendait le signal, ça ne tournait pas mal. Les copains se la coulaient douce grâce à ces deux coups de sifflet. Elle venait trop tard la rousse après les deux coups de sifflet. Et chaque soir dans les petits bars, tous les malabars l'amenaient joyeuse en terre pénale. We'll be right back. voici un autre morceau Java, et puis juste après, la musette. We'll be right back. sinon que la tarentelle. que le boléro. Et puis donc, juste après le boléro, on fait un petit tour du côté du Madison. Thank you. morceau Madison et juste après Polka. We'll be right back.

Arc-en-ciel. Alors déjà 15h53, et bien dans quelques minutes, et bien l'émission touche à sa fin. Voilà donc, bien, je vous laisser avec d'autres morceaux d'accordéon avant de se quitter tout simplement. Et j'espère que vous avez passé bon après-midi tout simplement avec beaucoup d'accordéons différents. Qu'on se retrouve eh bien dimanche, tout simplement dimanche prochain. Et on se retrouve aussi donc eh bien mardi et puis vendredi, toujours à la même heure, à partir de 13h30. Tout simplement, eh bien, je vous dis bonsoir à tous et à toutes, et bien je vous laisse avec d'autres morceaux d'accordéon. Bonsoir à tous et à toutes. No continente e na Madeira, duas nos Açores, cinco da atualidade. Edição do jornalista Augusto Henriques. 10 caminhões de ajuda humanitária entraram em Gaza através da fronteira de Rafa nas últimas horas. A informação